Mon rap c'est un paquet de clopes, j'allume mes premières rimes. J'fume des textes par paquet, ça me soulage quand j'déprime. J'm'en bats les couilles de tout, l'insolence de Gainsbourg. C'était Whitney Houston, I want to fuck you. Les rappeurs vendent du rêve pendant qu'au quartier on crève. Quand c'est la merde où que tu sois, de partout c'est pareil. Un manque de logement décent, un manque d'oseille. Oui à Marseille, la misère est pénible. Au soleil j'fais du mieux que j'peux pour rejoindre les deux bouts. Ils veulent nous mettre à genoux, mais nous on reste debout. Et ne baisse pas ta tête, sinon ils tordent le cou. Et si j'ouvre ma braguette, c'est que je te pète le cul. Pas dans le vrai sens du terme, je suis 100% hétéro. C'est que du rap tarlouse, y'a dommages collatéraux. Une pensée aux détenus enfermés derrière des barreaux. Et tous ceux qui les assument les aident à garder le poireau. Y'a pas de gangsters dans le rap, y'a des gangsters tout court. Sinon Booba aurait fini comme Tupac Shakur. Y'a pas d'avenir dans le rap, frérot, ne lâche pas les cours. Pour beaucoup c'est une passion, même pas une roue de secours. Pour des histoires bidons, pourquoi ils en font des tonnes. Et toi MC Levinsky, appelle-moi Bill Clinton. Cherche pas la merde ici, te jure j'ai peur de personne. À part de notre créateur, car plus rien ne m'impressionne. Discret. Listen in rap, listen disco. Discret. Marseille, Northside and you who's listening rap. Discret. Listen in rap, listen disco. Discret. Marseille, Northside and you who's listening rap. J'crache beaucoup. Quand il s'agit de rapper, ça clash de partout pour s'emparer de la place du premier. Moi je suis là, c'est pour tout niquer. L'artisanal est uniqué, on est tous broliqués. On fournit le bon son en donnant le paquet. Des packs de rimes chez nous, c'est parce qu'il nous manquait. J'irai pas dans un label pour but de parquet. Car mon rôle en tant qu'MC c'est de vous mettre des targets. Album ou pas, je suis là pour tout écraser. Me parle plus de soutien, ça reste que du passé. Ça suce blèche, ça obtient pas le succès. Ça joue des rôles et à la fin, ça toucherait son chéquier. C'est plein de remix qu'à la fin, ça donne la merde à chier. Quartier Nord, c'est le Queen, je peux même te confirmer. Des tueurs d'MC, à l'usine y'en a en paquet. Que si j'arrête ce rap, t'auras pas à t'inquiéter. Discret. Listen in rap, listen disco. Discret. Marseille, Northside and you who's listening rap. Discret. Listen in rap, listen discreet. Discret. Marseille, Northside and you who's listening rap.